voie A, éloignez-vous de la bordure du quai. Le train TER numéro 17513, en provenance d'Annecy et à destination de Valenceville, départ 8h26, entre en gare.